erreur, mais je pense que c'est moyen quand même. Il est signé. Bon, d'accord. Avec les cons qu'il y a là, c'est con, on va changer mon jingle. Oh, Malouda. Tu veux qu'on change ton petit jingle, ton petit live? Oui, parce qu'à un moment donné, bah, tu vois, c'est quand même. À un moment donné, à un moment donné, bah, ah, cette bah... période d'Ovalie. En cette période d'Ovalie, Gilbert, que tu apprécies tant et tant, puisque on sait que toi tu adores ce triangle. Toi qui côtoie souvent Eric Dimeco, il paraît qu'il est en transe avec le rugby. Il en a absolument rien à foutre, c'est un énorme escroc. Je te jure, c'est comme. Adore, non, mais je te dis, c'est une arnaque. Il achète Paris Turf et il change les noms. C'est ça, c'est les techniques de Paris Sportif. Mm-hmm. Il en a rien à cirer du rugby. Mais bon, comme il veut avoir l'air un peu intelligent. Il a l'impression que ça fait ascension sociale. Il est évident, tu sais, Eric. Eh oh, moi je lui avais annoncé 2-2 par texto. Je l'ai encore, avant la fin du match. Bah ça tout le monde s'en fout, mais moi j'aime bien le dire. Salut à tous, salut les copines, salut Daniel, Daniel qui en fait s'appelle Damiano, on a appris. Attends, arrêtez avec ça. Bah ouais, mais voilà, maintenant on le sait, Damien le fils du diable. Tout s'explique. Ah, vendredi tout 13. Tout se recoupe. Et oui, vendredi non, 13. Non, c'est pas Damien vendredi 13. Non, non, c'était 666. 666. Quand tu veux savoir quand tu veux des renseignements sur les trucs dans sataniques. L'original c'était Omen. Voilà, le dernier film c'était avec Jeremy Irons. Merci mon vieux, j'avais rien compris. Je tiens à voir que Polo c'est le seul mec qui est chauve avec les cheveux longs. Mais dans la, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, dans l'esprit, il est comme ça. Quoi. Ça pousse vers l'intérieur. Ça pousse dans l'intérieur. Chauve est une très belle couleur de cheveux. Ouais. Dis-moi, Polo, je viens de me rendre compte d'un truc. Mais le Bayer, Leverkusen, il pourrait plaire à Sidney Govou, tu crois pas? C'est pas mal comme nous, Leverkusen. Gilbert, toi qui oui. passes, puisque tu disais que tu étais passionné par le rugby, tu faisais quand même très bien semblant d'écouter la composition. Oui. Donne-moi 5 joueurs des tout noirs. Des Blacks? Ouais, les tout noirs. Carter. Ouais. Macko. Ouais. Fitzgerald. Ouais. Il me donne que des noms de jazzman des années 50. Quoi, vérifie. Bah arrête tes conneries, c'est une escroquerie. Vérifie. Mais tu sais très bien que je ne sais pas, Gilbert, tu peux dire n'importe quoi. Fogatoé, qui est d'origine. C'est Jean-Jacques Goldman et Frédéric. Carole Frédéric. Ok, d'accord, très bien. Et Sylvie Vatou. Bah ça va. Et Sylvie Vatou. J'en ai 5, je t'ai calmé. Mais Sylvie Vatou, c'est la fille qui s'est fait violer par Strauss-Kahn. De quoi tu parles? Pour les Jeux Olympiques. Tu vas avoir des emmerdes, toi. J'en ai déjà. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Alors, donc pour les Jeux Olympiques, ah oui, on a quelques emmerdes avec Nancy. Non, alors attends. Oui, alors je voudrais revenir. Toi. Cette histoire de Nancy, il y a eu vraiment une méprise. On a fait un truc absolument horrible. Là. Les gens qui font les guillemets avec les doigts, c'est insupportable. J'ai pas du tout fait les guillemets. Tu viens les guillemets avec les doigts, c'est insupportable. Non, non, non. J'ai voulu dire attention. Attention, j'ai dit. Avec les doigts, je fais pas des guillemets, Daniel. D'ailleurs, je suis à l'antenne, je fais ce que je veux. Et donc, Nancy, j'attaquais le jeu de Nancy. Et alors, les gens ont cru que j'attaquais la ville de Nancy, alors que c'est magnifique, Nancy, t'es malade. Je vais pas attaquer une ville pareille. La place comment? La place Stanislas. Attends, Stanislas de Hoyos. Je veux le tester, nous fait des petits quiz. Stanislas de Hoyos. La place Stanislas de Hoyos, magnifique. et la rue Jean-Michel Narcy, il est juste derrière. Jean-Claude. Jean-Claude! Pardon, je confonds avec Michel Cardoz, c'est l'impasse, Michel Cardoz. Dans sa carrière, je parle. Donc, Nancy, non, je critiquais, je trouvais que ça jouait pas super bien. Que c'est vrai que, moi je le disais, c'est vrai que quand t'es supporter de Nancy, des fois t'as envie de te pendre. Bon, peut-être pas finalement, t'as peut-être juste envie de regarder un vrai beau match de foot, mais bon, ça, ils sauront jamais. Et en même temps, il y a une vraie différence entre le FC Barcelone et l'AS Nancy-Lorraine. C'est que, il y en a un, c'est un football club. Et l'autre, c'est une association sportive. Ils ont jamais dit qu'ils joueraient au foot. Ils ont dit qu'ils s'associeraient pour faire du sport, les mecs. À un moment donné, désolé, hein, fallait pas venir. Nous, on n'a rien signé. C'est comme le Stade Rennais. Hein. Ils ont dit que tu viendrais, ça serait du stade. Donc voilà. Tu viens au stade. Tu viens au stade. T'as pas dit que tu venais au foot. Et Paris Saint-Germain, alors. Football club. Ah là, je l'attendais. C'est vrai, on a une belle équipe de petits rats de l'opéra, on s'amuse bien, ça danse, c'est rigolo. Alors, j'ai appris que pour les Jeux Olympiques, Philippe, la Grande-Bretagne allait envoyer une équipe, et je me dis, mais pourquoi en France on n'enverrait pas une équipe de Grosse-Bretagne avec, ça pourrait être pas mal, parce qu'en défense, tu mets les Rennais, en attaque, tu mets les Lorientais, et les Nantais, en tribune, hein, parce qu'il n'y a plus que là qui peuvent faire quelque chose, et encore, je sais pas, les pauvres. Puis les Brestois, ils sont bien chez eux. Et Guingamp? Ils vont en avant Guingamp avec Noël Le Graët, qu'ils aillent faire des stages avec comment il s'appelle l'ancien sélectionneur, je ne connais plus son nom. On a appris qu'à Naples il y a la grande tradition de Gian San Gennaro là qui s'est liquéfié. Milan, ça fait 2-3 ans qu'il s'est liquéfié San Gennaro. Hein. Je ne sais pas si c'est une tradition, si c'est un truc qu'ils veulent perpétuer. Et là je voudrais quand même, on a beaucoup rigolé, mais là je voudrais passer aux choses sérieuses. Ce matin je me lève, lundi 19 août. J'ouvre le journal. 19 septembre, pardon. Je suis comme Fred, hein, je suis perdu. 19 septembre, l'Olympique de Marseille est 20e du championnat de France. Il est mort. La nouvelle vient de tomber sur nos téléspectateurs. C'est terrible. L'Olympique de Marseille vient de battre son record de début de saison raté depuis 2005-2006. Bien sûr, il y a eu pire, il y a eu 1986 où à la 18e journée, l'OM était dernier. Cette même année, le Paris Saint-Germain était champion de France. La dernière année où l'OM descend en D2, c'était en 1994. Cette même année, le Paris Saint-Germain était champion de France. Décidément, quand ça veut pas rigoler, ça veut pas. Attention Marseille, ça chauffe pour ton cul. Mais non, je plaisante. Tout ça va se remettre d'aplomb. Évidemment, attends, ils ont aussi un super argentin. Il n'y a pas que Paris qui a un super argentin. Eux aussi, ils en ont un. En ce moment, ils souffrent un peu de la comparaison. Parce que nous, on a un peu le flaco. Eux, ils ont un peu le flaque d'eau. C'est pas le même. Mais là, ils s'accrochent. Hein, Lucien Legonze, là, il s'accroche. Moi, je crois beaucoup en lui. Gilbert nous a appris. Lucien Legonze. On nous a appris quand même. Le Gonze, comme on dit là-bas. Tu nous as appris que Labrune avait la cote avec les supporters de Marseille. Ah, ils l'ont même comparé à Tapie. Non, je pense qu'il parlait de la bière. Hein. Parce qu'à mon avis, quand t'es supporter de l'OM en ce moment, il faut au moins de la Guinness ou de la Pelfort Brune. Hein. Même du desktop avec de la limonade, t'es preneur. Parce que moi, j'ai veillé. C'est hardcore. Hein. À l'actif du Nord, comme on dit chez les rappeurs. Tu connais pas, toi, Gilbert. Donc, Deschamps, tu dis, alors Deschamps, le problème, il a pas la main. Il a pas la main. Et ces joueurs, ils ont pas les pieds. C'est surtout ça le problème. Je pense que c'est un détail qui, quand même, peut compter. Et alors, Daniel ne comprend pas qu'on veuille virer Didier Deschamps. Mais tu m'étonnes! Il a raison, mais Didier Deschamps, c'est un demi-point par match depuis le début de saison. Ça fait 19 points à la fin de la saison. Tiens, c'est comme Arles Avignon, c'est historique. Daniel, comme tout bon Lutèce Falco ou ancien abonné du Parc, il veut garder Didier Deschamps. Mec, excuse-moi, on est tous à fond. Et mais bon, non, je respecte quand même. En ce moment, ils sont un peu dans la merde. Moi, je les soutiens. On a vécu ça pendant 30 ans et c'est pas terminé. Faut pas se leurrer. On a eu un beau match, Monaco-Arles-Avignon, hein, avec Doumé Poulain, qui n'avait pas à avoir de blagues, hein, sans le vouloir d'ailleurs, des fois même. Et Gilbert nous a appris que les voitures italiennes étaient les plus moches. Vous n'étiez pas là, les gars, mais à un moment donné, il a dit ça quand même. J'ai dit les Fiat. Ouais, d'accord, oui, parce que les voitures italiennes, c'est Fiat. Hein, c'est une grande. T'es plutôt, non, t'es Fiat, c'est italien, non ? T'es plutôt Fiat, Lada Samara, Skoda Break ? T'es plutôt quoi ? Saab Parce que Gilbert, le problème, c'est quand tu vois sa chemise d'aujourd'hui. T'as du mal, là, tu vois. Parce qu'il a critiqué. Non, il a dit que Marco Simone était bien sapé. Moi, je serais inquiet pour Marco Simone. J'ai pas dit ça. Parce que pour ceux qui savent pas, Gilbert, il a une chemise grande de deux tailles, trop grande de deux tailles, blanche ou garde, mouchetée de pigments marron jaune. On dirait qu'un tuberculeux lui a toussé dessus en serré les dents pour garder les gros bouts, tu vois. Mais bon. Ma chemise, elle est sur Facebook parce que j'ai été photographié à l'insu de mon plein gré. Ouais. Et il y a Fanny qui dit l'élégance de la chemise de Gilbert est à la hauteur du classement de l'OM. Ouais, bah c'est ça, quoi. Gilbert, si tu veux, c'est le jour où il dit que ta femme est charmante, tu peux être vexé. Hein. Tu peux même en changer, quoi. Pauvre Simonet, quoi. T'as vu, il est déjà en noir. Le mec, t'as l'impression qu'il est déjà en deuil. Optimiste, hein, le gars, quoi. Il a une tête de croque-mort. Au PSG, on a appris qu'il y avait des problèmes d'ego. Ça concerne Pastore, Néné, Gamero. En tout cas, on est sûr que ça concerne pas Siaka Tiené. Faut lui reconnaître ça. Parce que c'est vrai que, on peut pas dire que ça soit l'ego de Pastore. Tu vois, ils sont pas égaux. Pastore et Menez, ils sont pas égaux. Mais Tiené et Pastore, ils sont encore moins égaux. Ça, c'est sûr. Le pauvre Siaka Tiené. D'ailleurs, je crois qu'il déteint sur Néné. Vous savez que Néné est en méforme parce qu'il est du même côté. J'ai l'impression que bientôt on va l'appeler Siaka Néné. Et on a un très beau côté gauche avec Tiené Néné, qui à mon avis va plus faire marrer dans les balles populaires qu'au niveau football. Louis Attaque qui va avoir lieu dans une prison, on a appris. Mmh. À la maison d'arrêt André Canabig du Havre. Et moi, ce que j'espère surtout, c'est j'espère qu'ils vont laisser sortir Louis. C'est quand même le seul truc qui nous fait flipper. Cataldo des Dodgers, qu'a appelé. Ah, les mecs, t'en comptes les Dodgers, t'en comptes, ils ont l'âge du club, les mecs. Hein. C'est quand même un groupe de supporters, ils ont une moyenne de 108 ans. Mais ils rigolent pas, attention. Hein. Les mecs, ils ont dit que s'ils mouillaient pas le maillot, ils vont sortir les pistolets. Hein. Ah, les pistolets urinaires, attention. Hein. Ça va être lâché de déambulateur, jeté de popoche gastrique, plus de stéradans, ça va faire mal. Hein. Attention, les Dodgers, ils sont prêts. Et en Belgique, alors ça a dû ne pas vous échapper, il y a un ancien joueur belge qui s'appelait Jonathan Defalco. Ah, j'ai vu. Voilà, qui était devenu à moitié aveugle, hein, qui avait un dixième à un œil et un autre œil de verre parce qu'il s'est pris un coup de tête. Il s'est fait appeler Johnny Falcon maintenant. Mais c'est quand même le mec, il s'appelle Faucon. Hein. Quand t'as un dixième à chaque œil, il faut le faire. Hein. Bon, bref, il n'y a qu'un Belge qui peut faire ça. Il est devenu star du porno. Donc je me dis, Fred, si un jour tu perds un dixième à l'œil droit, tu sais que t'as une reconversion. Hein. Ah, pas mal. Ouais. Hein, je t'ai trouvé un surnom, tu pouvais t'appeler le El Turon. Tu sais, le Touron, c'est une longue sucrerie à pâte d'amande à base de miel. Ça tirait bien, ça. C'est surtout une sucrerie de Noël. Oui, c'est ça. Bah, c'est ça va une fois par an. Tu ne seras pas obligé de tourner à Noël, simplement. Ah, bah, toi, mais une fois par an, c'est un peu ton deuxième surnom aussi, non? Bref. Quand tu viens, toi, en fait. Non, c'est ça. D'ailleurs, faut que je vienne, hein, tu commences à être chargé, là. Comme une cartouche de Winchester. Donc l'autre, il rentre dans la. Donc, El Falcon, donc, qui est Miro, il rentre dans la grande tradition des joueurs de foot qui ont un nom qui va pas du tout avec le. C'est comme Victor Hugo Montagno. Hein, on est quand même plus proche de la montagne que de Victor Hugo, hein, quand on écoute. Jean-Marie Paf, Damien Tibéri, qui est un joueur honnête, Nolan Roux, qui a pas la tête de Robbie Slater, William Vainqueur, qui a passé 5 années au FC Nantes. Il y a que Bernard Mandy, hein, parce que ça fait 4 ans qu'il Mandy une place dans un club. Mais sinon, tout le monde, voilà. Donc, je voudrais quand même finir par une jolie petite chanson pour rendre hommage à un joueur de Saint-Etienne, Pierre-Emerick Aubameyang. Ah. Donc, sur une chanson qui avait été à l'époque utilisée par moi pour l'Ikata. Mais ouais, donc j'ai pas le. Il a arrêté le football donc en même temps. Ouais, voilà. Donc j'ai réadapté. On va taper dans les mains parce que j'ai pas de karaoké aujourd'hui. Donc attention. Bah, c'est a cappella. A cappello, même comme on dit à Rome. Les gars, ohé, ohé. Les gars, ohé, ohé. Obam. Aubameyang, ohé, ohé. Obam, Aubameyang. On ne peut pas l'arrêter, ohé, ohé, de foncer. Oh, oh bam! Aubameyang, ohé, ohé. Aubameyang. Comme un boulet, tête baissée, ohé, ohé. On n'a pas trouvé le bouton marche arrêt. C'était l'occasion de changer de partenaire. Sanogo, Bakisako, de tenter autre chose que des grands ballons en l'air. Nicolita, Sidi Sagna, sur mon côté, je frappe les yeux fermés. Devinez qui je suis. Sur un coup de peau, le ballon peut rentrer. Aujourd'hui, tout me réussit. Aujourd'hui,